France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 16h maintenant, horaire renouvelé, modifié. Continent Science, bien sûr, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, un invité, Léo Koutlec, qui a écrit un petit ouvrage très dense, très intéressant et un très gros, tout aussi dense, et qui s'intitule « La science au pluriel », et donc on verra ce que pluralisme veut dire dans cette circonstance. Et puis est avec nous aussi Martin Andler, puisque nous continuons bien sûr notre partenariat avec la Bibliothèque Nationale, la Société Mathématique de France, et j'oublierai, mais il nous le rappellera tout à l'heure, donc l'organisme. Mais tout de suite, et même pour ce jour férié, nous reprenons notre tradition et la chronique animalière. Pour cette chronique animalière aujourd'hui, je retiens la sèche commune. Ce céphalopode dont l'apparence de la peau peut changer en quelques secondes, ses motifs, ses couleurs, sa texture. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Des biologistes viennent en effet de montrer comment notre céphalopode réduit sa signature électrique pour échapper à ses prédateurs les plus redoutés, les requins. Sa signature électrique. Ce travail offre, qui vient d'être fait par des scientifiques, des biologistes, offre un nouveau regard sur l'animal. Et c'est une malice, encore une fois, totalement inédite dans le domaine vital. Les scientifiques ont déjà décrit, bien sûr, les réactions de la sèche face à la menace. Une large gamme allant de la simple fuite au fameux jet d'encre, en passant par l'immobilité complète. C'est à cette dernière stratégie que les chercheurs se sont attelés. Attaqués par un requin, la sèche a en effet peu de recours. D'étaler, inutile. Le squale la rattrapera. Changer d'apparence, comme elle sait bien faire, ou se cacher dans son joli nuage sépia, action vaine, là encore. Car l'œil ne constitue pas le principal organe de détection du requin, qui n'en manque pas à lui. Et il lui préfère le requin, ses narines, et surtout ses petits capteurs installés au bout du museau, sensibles aux champs électriques dégagés par ses proies. Comme chez tous les êtres vivants, les échanges ioniques dans l'organisme de la sèche, et plus particulièrement dans ses branchies, produisent de tels champs. On voit que c'est aussi la méthode pour l'ornithorynque pour chasser. Avec le petit champ électromagnétique des crevisses qui battent de la queue. Mais elle, la sèche, vit en eau salée et c'est en plus un excellent conducteur. Elle dispose de trois grands orifices. Une bouche constamment ouverte, des plis ciliaires par lesquels elle aspire l'eau et un entonnoir par lequel elle la rejette cette eau. À moins de 50 cm, elle libère donc une tension électrique que les chercheurs ont située dans une fourchette de 10 à 30 millivolts. C'est peu, mais c'est déjà trop. Les biologistes, pour confirmer la chose, ont installé un dipôle électrique simulant cette situation dans un aquarium rempli de requins. Ils ont constaté alors que les requins se jetaient sur le dispositif. Pour éviter ce danger, la sèche a trouvé une double parade. Elle se statufie et réduit sa respiration et elle ferme les écoutilles. Ses 8 bras forment un cône qui fait partiellement obstacle au champ électrique qu'elles produisent, les sèches. Ce champ est inférieur à 6 millivolts. La tension échappe ainsi donc au radar du requin. Pour les spécialistes, cette étude est à la fois et très belle et très élégante et très innovante. Questionner ainsi la proie et le prédateur présente, c'est vrai, encore une fois, une grande élégance. Surtout que ce travail met en évidence un comportement évidemment totalement inconnu jusqu'ici. Ces animaux sont comme des extraterrestres, pourrait-on dire. La sèche peut accomplir des tâches qui lui sont familières et que l'on n'imagine pas chez cet animal, qui est pourtant un cousin de l'huître. Comment apprendre à se déplacer dans un labyrinthe, comment le mémoriser, mais surtout, elle sait faire des choses dont nous sommes, nous, les humains, incapables. Récapitulons, encore une fois, la sèche peut modifier l'apparence de sa peau, discerner la polarisation de la lumière et enfin, pour finir, contrôler sa signature électrique. Dans un tel éventail de comportements définitifs, et ce sera ma chute, c'est peut-être à sa façon de voir le monde qu'il nous reste à étudier. Bonjour Léo Koutlec. Bonjour. Bonjour Martin Hodler. Bonjour Stéphane. J'ai oublié le troisième partenaire qui est dans notre relation de partenariat. Il y a le magazine Tangente et l'association Tangente. Animate. La belle, le beau magazine Tangente de vulgarisation des mathématiques. Alors, nous allons essayer de comprendre cette science au pluriel, ainsi que vous intitulez ce petit ouvrage très dense que vous avez donné aux éditions Quay et qui porte comme sous-titre « Essai d'épistémologie pour des sciences impliquées ». Alors j'en profite pour vous dire, comme ça, de but en blanc, que j'ai d'une certaine manière quelques, on va dire, plus que des inquiétudes, presque des irritations, en particulier avec la science appliquée. Je pourrais prendre l'exemple de la convention REACH, qui regarde les 30 000, puisque c'était 30 000 par an que les industriels, en ayant fait les analyses de la toxicité des produits, eh bien, parmi les 30 000, il n'y en a que 3 000 qui ont répondu. Donc là, il y a une inconséquence totale. Et en plus, on peut constater que confier à des industriels l'analyse de la toxicité, c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, jouer le juge et la partie, hein. Léo Koutlec, je pense que vous êtes d'accord. Et puis autre chose, après tout, c'est quelque chose qui est même symbolique, puisque c'est un propos, ça a été le propos du directeur actuel du CNRS, qui discutait avec un industriel et qui montrait que l'appliqué avait toutes les grâces à ses yeux. Donc on peut être aussi un peu inquiet d'une science dirigée, comme on dit, par Laval, puisque ça mettrait à mal ce qu'on peut considérer, en tout cas c'est mon sentiment chaque fois répété, que je comprends quelque chose dans les questions qu'on pose au monde ou dans les questions que l'on pose à l'univers mathématique comme un plaisir et une splendeur. Voilà, mais c'est un petit catalogue de mes mécontentements. Qu'est-ce que vous me répondez tout de suite, Léo Koutlec, puisque vous allez prendre évidemment position, et des positions très singulières et originales épistémologiquement. Vous avez utilisé le terme de science appliquée. Oui. Et précisément, c'est un terme que j'essaye de déplacer, en tout cas, parce qu'il me semble fermer un certain nombre de raisonnements et de possibilités intellectuelles. Hein, puisque lorsque l'on parle de science appliquée, cela, implicitement, hein, cela implique qu'il y aurait une science fondamentale qui serait productrice de théories, elle-même désintéressée, et qu'il y aurait un autre ordre qui serait celui de la technique, qu'on appelle Laval, que vous avez appelé Laval, celui des applications qui appliqueraient ces sciences-là. C'est un peu la distinction qu'avait fait Michael Gibbons avec mode 1 et mode 2, oui. Qui a été maintes fois critiqué et remis en cause, notamment par un historien des sciences, Dominique Pestre, qui a montré que cette distinction ne tenait pas et qu'elle n'avait jamais eu lieu, ou très peu dans l'histoire des sciences, et que c'était toujours mélangé, le mode 1 et le mode 2, et puis plein d'autres types de modes de science, hein, d'ailleurs. Donc, la première chose que je dirais, c'est que ce terme de science appliquée est ambigu. Existe-t-il vraiment une science qui n'est pas appliquée? Et est-ce qu'une science appliquée est dépourvue de théorie, de références disciplinaires, de paradigmes scientifiques, hein, tout ce qu'on attribue plutôt à la science dite fondamentale? Je ne crois pas. Et inversement, est-ce que la science que l'on dit fondamentale est vraiment dépourvue lorsque l'on pose les hypothèses, lorsque l'on définit les stratégies de recherche, lorsque l'on fait les choix des méthodologies, est véritablement dépourvue d'intérêt, qu'on va dire, contextuel? Je ne le crois pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai proposé le terme de science impliquée, comme un peu un contre-pied aux différentes variations sémantiques entre science compliquée, science expliquée, science dupliquée, science appliquée, qui sont toutes des représentations standards du concept de science et qui chacune a ses limites. Et selon le point de vue que l'on adopte, on se situe soit dans l'une, soit dans l'autre. Je crois que la science, fondamentalement, et nécessairement, et non pas d'un point de vue contextuel ou conjoncturel, mais d'un point de vue, j'allais dire, presque essentialiste. L'essence de la science, c'est d'être impliqué. Impliqué. Impliqué dans un contexte. Impliqué dans un ensemble de causes et d'effets, et que cela concerne toutes les sciences, quelles qu'elles soient. Hein. Quelles qu'elles soient. Voilà. Et vous le dites de façon ferme, dès le départ, Léo Gouttelette, vous dites que, évidemment, toutes les sciences sont inscrites dans la société, dans le social, dans le sociétal, dans, voilà, bien évidemment et profondément. Alors, pour prendre dès le début, le début plutôt de notre réflexion sur les différents concepts de votre conception de la science et plus particulièrement de la nécessité d'une certaine épistémologie, tout d'abord vous méfiez ou en tout cas vous pesez deux pôles. Le premier que vous appelez le relativisme et qui aurait comme défaut, on va dire, si on lui donne une sorte d'inflation, c'est-à-dire le relativisme étendu, on peut dire tout de suite, on peut dire une première définition que vous corrigerez, mais en tout cas je donnerai celle-ci. Le relativisme, c'est en particulier pratiqué par beaucoup de sociologues dits des sciences, et qui disent qu'il n'y a pas d'objet dans le réel, que tout objet est construit, que évidemment, même un atome, c'est en définitive quelque chose qui... Alors, soit on est spiritualiste et on dirait que c'est simplement la représentation mentale de quelque chose qui correspond dans la réalité, sans qu'on sache très bien pourquoi. Mais si on est relativiste, on dit que c'est très très relatif, c'est-à-dire que le géocentrisme a très très bien fonctionné par rapport au même matériel. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de grande différence, sinon, bien évidemment, l'exactitude des prédictions avec la physique de Newton. Voilà pour les caractériser, il y a beaucoup d'autres. Quant à ceux que vous appelez les positivistes... Alors moi, ça m'a fait tout de suite penser au couple réaliste et son antagoniste, qui pour moi est bien sûr le réaliste. Le réaliste, il dit au contraire, non, bien sûr, alors on peut avoir des positions sophistiquées, comme celle de Philippe Kitcher, qui parle d'un réalisme construit ou constructiviste, mais le réalisme, en tout cas, c'est celui qui peut dire que, sans hésiter, lorsque je tourne la tête, et que je tourne la tête et que je montre mon dos à la Lune... elle continue d'exister. Voilà, pour faire bref. Pourquoi est-ce que vous opposez et vous montrez que votre position ne se tient pas au milieu de ce couple-là ? Oui, effectivement, j'essaye de me positionner, dans un espace épistémologique qui ne dépend ni du positivisme, ni du relativisme. Alors... Et le débat sur le réalisme, je le mets pour le moment un peu de côté parce qu'il me semble un peu différent. Mais déjà, effectivement, ce que moi j'appelle le positivisme, c'est deux positions. C'est une position ontologique et une position épistémologique. Une position ontologique qui consiste à revendiquer ou affirmer l'unité du monde que l'on a reflétée dans l'unité de la science. Ou l'inverse, que l'unité de la science doit refléter l'unité du monde. Mmh. Voilà, donc c'est cette position-là qui se couple toujours, quasiment toujours, avec une position épistémologique selon laquelle il y a une façon de refléter cette unité du monde, et donc il faut trouver un référent scientifique, une science, une reine en quelque sorte, et donc selon les époques, ça a été soit la physique, soit les mathématiques, qui organiseraient... Le contexte archipélique des sciences dans quelque chose de commun, d'homogène et qui serait finalement l'aboutissement. Voilà, l'aboutissement, on aurait compris effectivement l'unité du monde par l'unité de la science où toutes les sous-sciences, aujourd'hui on parlerait de discipline, seraient effectivement ramenées à ce référent-là universel. Est-ce que c'est une sorte de réductionniste, pour voir si je vous ai bien compris, dans le sens où, par exemple, les gens du Cercle de Vienne, puisque c'est un groupe que vous aimez bien, c'est composé de Carnap et de quelques autres qui ont émigré aux États-Unis et qui ont mis la petite graine de la philosophie analytique définitivement dans le panorama américain, considéraient que de toute façon, au bout d'un temps, tout devait être réduit à la physique par réductionnisme et que la science reine, bien évidemment, c'était cette physique mathématisée et qui était donc l'organon par excellence du savoir unifié. Voilà, alors, là aussi, il y a une distinction à faire. Je pense que le réductionnisme est encore un peu différent, même si effectivement un positivisme aboutit, forcément, une des conséquences, c'est une forme de réductionnisme. Mais pour moi, le réductionnisme est une posture méthodologique, oui, très utile dans les sciences. Bien sûr. Et je crois que le problème du réductionnisme n'est pas le réductionnisme, mais sa transformation en idéologie scientifique. Bien sûr. Et je pense que pour étudier la complexité du réel, le scientifique, la communauté scientifique, a besoin à un moment donné de moments réductionnistes, comme elle a besoin à un moment donné de moments holistiques, de moments où elle prend en charge plus la complexité, et que le réductionnisme est plus là comme quelque chose qui vient au service d'un objet à un moment donné, hein, de façon quasi opportuniste, hein, plutôt que quelque chose, voilà, qu'une position épistémologique comme ça un peu absolue. Donc, on peut peut-être fixer un point, si vous voulez, oui, qui sera un exemple et qui va tout de suite complexifier les choses. Évidemment, des choses existent dans le réel. Si, par exemple, on prend une maladie, là, il va y avoir, on va y revenir, bien évidemment, puisqu'il va y avoir du pluridisciplinaire que vous n'êtes, de mots que vous n'aimez pas et que vous allez expliciter et expliquer dans votre pluralisme de manière différente. Mais il y a des choses dans le réel, donc, qui vont, de par leur nature même, mobiliser déjà des sciences constituées qui ont des méthodologies et des principes épistémologiques différents. À un moment, on reviendra sur le cas de l'Alzheimer, et ça mobilise évidemment beaucoup de disciplines, puisque ça mobilise même les mathématiques. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Donc, il y a aussi, donc, on va pas dire un perspectivisme ou perspectivisme, mais en tout cas des regards différents portés sur le même objet qui se découpe dans la nature. Voilà, donc là on touche la question que vous avez posée du réalisme. Hein. Moi, ma position ici, elle est d'une part du réalisme et d'autre part de la conception de nos objets scientifiques, oui, qui sont liés. Bon, effectivement, moi je considère qu'il existe un réel qui précède la science et la philosophie. Bon. Voilà, je le dis. Vous êtes pour une ontologie naturaliste, on peut dire, ou un programme naturaliste de ce point de vue. Passons, mais c'est pour, oui, donner des bornes. Peut-être. Mais en tout cas, je postule un réel qui précède tout ce que je pourrais dire sur lui. D'accord. Voilà. Après, ça doit nous amener non pas à une posture, j'allais dire, positiviste. Au contraire, ce postulat doit nous amener plutôt à une posture non positiviste, que moi j'appelle pluraliste, et c'est là où c'est très important de revenir sur la conception de nos objets scientifiques. Je pense qu'un des problèmes de la science du XXe siècle, mais a fortiori de la science telle qu'elle se fait aujourd'hui, qui est moi mon objet d'étude, hein, plus que la science du XIXe siècle, c'est que on croit que les objets sont le résultat des disciplines ou des théories. Et donc sont finalement disciplinaires ou théoriques. Or, aucun des objets auxquels on a affaire aujourd'hui ne sont ni disciplinaires ni théoriques. Si l'on prend le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, il est évident que si l'on considère cet objet comme l'objet de la neurologie, on arrive à une impasse. Bien entendu que la neurologie et toute la puissance des progrès qu'il y a eu dans cette discipline vont nous aider à comprendre cet objet. Mais si l'on en fait l'objet de cette discipline-là, alors il y a tout un tas d'impasses que l'on voit et que moi j'étudie, hein, au quotidien, qui sautent aux yeux. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas confondre, à mon avis, les disciplines, il ne faut pas les supprimer, comme certains en appellent, hein, la convergence NBIC, etc. Oui. Beaucoup de gens appellent à dépasser les disciplines. Moi, je ne suis pas du tout sur... Je pense que c'est une erreur parce que la discipline est un référent socioculturel très important et c'est aussi une façon d'approfondir les connaissances et ce dont on a besoin, c'est-à-dire de créer de l'épaisseur dans la connaissance que l'on ne peut pas faire si on s'étend trop rapidement. Mais le problème n'est pas la discipline, c'est sa centralité et sa prétention à produire les objets. Voilà. Oui. Et donc c'est ça un peu que j'essaye de dire, c'est de passer d'une épistémologie des disciplines finalement à une épistémologie des objets. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Martin Andler, ça, comme première réaction, comme ça à chaud, parce qu'on va évidemment affiner ces découpages. Et en plus, vous faites une science, vous, bien particulière, puisqu'elle n'a pas le crible de l'expérience. Hein. Oui, bien, les mathématiques sont en effet dans une position singulière. C'est-à-dire, bon, les objets mathématiques, nous mathématiciens, on les considère comme étant les plus réels des réels. qu'ils ont une existence absolue en quelque sorte, parce qu'il n'y a aucune médiation, ils sont internes à notre discours. Et oui. Évidemment, dès que les mathématiques parlent d'autres sujets, là, on entre dans un pluralisme, parce que les mathématiques ne vont dire évidemment que des choses très partielles sur les objets. Et bon, on va en parler un mot tout à l'heure. Enfin, quand les mathématiques disent quelque chose sur la petite vérole, évidemment, elles ne disent pas tout sur la petite vérole. Bien sûr, bien sûr. Alors, on peut relancer la chose. Vous donnez une critique dans votre livre sur ce pluralisme, et vous parlez donc, vous mobilisez l'analyse de trois concepts que vous dites qui sont souvent indifférenciés, je crois qu'on peut peut-être commencer aussi ou poursuivre par ça, qui sont neutralité, autonomie et impartialité. Alors, encore une petite réserve avant d'attendre votre réponse, Léo Coutelec. On essaye d'avoir votre position, tout de suite vous constatez que cette idée est difficile à comprendre. Bon, les gens se mobilisent en disant il nous faut du transdisciplinaire, du pluridisciplinaire, tout ça, ça vous amuse, et vous dites que c'est pas la bonne position. Et donc, il y a une grande difficulté, semble-t-il, à ce que les gens de bonne foi qui vous écoutent acceptent une telle position de pluralisme. Cette pluralité que j'y reviendrai, parce que si je suis critique sur les appels à l'interdisciplinarité ou toutes ces variantes, ce n'est pas pour refuser le dialogue des savoirs ou la relation ou les. Bien sûr que non. C'est pas du tout pour ça. C'est pour la renforcer, mais en essayant de lui trouver une fondation plus solide que la discipline. Voilà. Et donc ça, j'y reviendrai. Et peut-être la première question, c'était sur les concepts d'autonomie, d'impartialité, de neutralité. Et de neutralité, oui. Prenons neutralité. Alors, bon, c'est d'abord, je dois cette distinction à un philosophe des sciences américain, Hugh Lacey, que j'ai repris et que j'ai un petit peu prolongé. Il me semble que la représentation standard des sciences, effectivement, est la revendication de ces trois valeurs constitutives que sont l'autonomie, l'impartialité et la neutralité. Et il me semble que ce régime axiologique-là n'est d'une part plus adéquat à la science telle qu'elle se fait aujourd'hui, et d'autre part, pas souhaitable. Hein, voilà. Donc d'un point de vue plus normatif, puisque je fais une épistémologie à la fois descriptive et normative. Donc l'autonomie, l'impartialité et la neutralité vont se mesurer à l'aune de l'intervention de ce que j'appelle des valeurs non épistémiques dans le processus de production des connaissances. Valeurs non épistémiques, ça va être les valeurs contextuelles ou les valeurs éthiques, c'est-à-dire ces valeurs que l'on mobilise souvent de façon implicite, mais qui ont un impact très fort sur la façon dont on regarde le réel, justement, et l'interprétation qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on peut dire là, l'arrêt sur un budget de recherche pour ce qui est du contexte, l'attention au toxique justement, on a une position éthique, ainsi de suite, peut penser à des choses comme ça. Voilà, c'est ça, c'est l'autonomie plutôt, la revendication d'autonomie, elle est plutôt au niveau de l'élaboration effectivement des stratégies de recherche. Oui. On dit qu'une science est autonome à ce niveau-là, lorsque la définition des stratégies de recherche est, c'est à ce moment-là qu'on fait le choix des méthodologies aussi, est complètement libre de toute référence à des valeurs non épistémiques et simplement guidée par des intérêts cognitifs. Bon, voilà, ça c'est l'autonomie. Il me semble que cette position n'est pas tenable actuellement et qu'il est évident que dans toute définition stratégie de recherche rentre en jeu un certain nombre de valeurs, positives ou négatives d'ailleurs, parce que les valeurs éthiques ou contextuelles ne sont pas forcément positives. Certes, il y a implicitement, on mobilise la question de la justice, la question du bien-être, des choses de ce type-là. Mais il y a aussi le racisme, le sexisme, qui sont très présents dans les sciences, comme l'ont montré les philosophes des sciences féministes, notamment Evelyn Fox Keller, qui ont montré que la science, majoritairement masculine, a eu un certain regard, elle a porté un certain regard sur le réel, qui aurait été différent si ce regard avait été porté par des femmes. Pour faire une petite incise, il suffit de voir arriver les primatologues féminines, femmes, pour se rendre compte que, alors que d'habitude, les primatologues hommes ne voyaient que les mâles dominants et la structure, lorsqu'il a fallu analyser les modes d'introduction et que les primatologues sont devenus des femmes, on a vu des progrès absolument considérables parce qu'elles étaient attentives au rôle des femelles, à leur stratégie. Mmh. Et évidemment, les bonobos sont là une merveille pour montrer. Voilà, la chose. Exactement, vous avez complètement la raison. L'attention se porte un peu ailleurs. Oui. Non pas qu'on va faire complètement différemment ou que ça va être une science complètement incompatible avec la précédente, mais on va la complexifier, on va justement augmenter le pluralisme. Hein. Joan Roux-Garden, hein, cette biologiste, par exemple, qui a écrit le livre « Le gène généreux », c'est tout à fait ça. Hein, c'est tout à fait ça. C'est un regard nouveau sur le comportement de reproduction sexuelle dans la nature par rapport à ce qui avait été fait précédemment. En donc, opposition au gène égoïste de Richard Dawkins. Exactement. Où voilà. Il y a reproduction des mêmes et ce qui compte, après tout, la carapace, on s'en fout. Il n'y a que les gènes qui veulent se multiplier, avoir une descendance et se reproduire à l'infini. Voilà, non pas que il faille choisir entre Dawkins et Roux-Garden, mais c'est deux versions d'une même réalité, oui. Et je crois qu'elle gagnerait à avoir égale considération. Le gros problème de la science, c'est... Donc là, on est vers la position du pluralisme, voilà, ce que vous venez de dire. Voilà, oui. Typiquement. D'accord. Hein, là, on est au cœur du problème, c'est que la science peine, d'un point de vue épistémologique, à sortir d'une pensée mainstream. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mainstream, une dominance. Et il y a un tropisme vers cette théorie dominante, ce modèle explicatif dominant. Et tout ce qui est autour est considéré comme secondaire ou comme devant confirmer le modèle dominant. On a du mal à tolérer que deux théories parallèles puissent expliquer le même phénomène de façon tout aussi robuste. Et parfois entre elles de façon incompatible. Et ça, c'est vraiment une difficulté très forte, je pense, d'un point de vue épistémologique, qui est principalement liée au problème précédent que j'ai exposé, qui est que l'on reste dans un champ qui est essentiellement disciplinaire ou théorique, et que sortir de ce champ permettrait de rendre compatibles des théories ou des explications qui sont a priori considérées dans le champ disciplinaire comme complètement incompatibles. Alors, si vous voulez bien, Léo Coutelette, on pourrait... commencer à amorcer, vous reprenez d'ailleurs une classification que vous avez vue élaborée par Ian Hacking sur la question de style. Tout à fait, donc là encore c'est tout à fait étonnant. Bien sûr, il y a un livre très célèbre où Gilles Gaston Granger a regardé ce que pouvait être le style en mathématiques, et on peut dire que même en mathématiques il y a des styles, alors qu'il semble que la loi du tiers exclu ne permette pas qu'il y ait ainsi quelque chose qui soit différent, parce que quand on immobilise la notion de style, méthodologiquement, c'est un peu lourd de savoir est-ce qu'il y a des styles qui arrivent aux mêmes conclusions. Bref, donc vous mobilisez, il dégage lui, Ian Hacking, plusieurs niveaux de style. Est-ce que vous pouvez introduire cette notion, oui. Léo Coutelette? Oui. Merci de me le permettre, parce que déjà c'est une complexification de ce que l'on appelle le pluralisme scientifique, qui a trop souvent tendance à en rester un pluralisme disciplinaire. On acte le fait que la science est plurielle parce qu'il existe des disciplines. Et finalement on se satisfait de ça. Or, si la science est plurielle, ce n'est pas simplement parce qu'il existe des disciplines, mais c'est aussi parce qu'il existe tout un tas d'autres séries de pluralités. Et parmi celles-ci, il y a effectivement les styles de raisonnement scientifique ou styles de pensée. Initialement ou parallèlement mis en valeur par l'historien des sciences Alistair Granby et Ian Hacking. Donc effectivement, Ian Hacking différencie six styles de raisonnement scientifique. Oui. Hein. Et ce qui est intéressant dans les styles, c'est que les styles ne dépendent pas d'une discipline particulière. Ils peuvent être mobilisés par des disciplines très différentes. Ils ne dépendent pas d'une époque et ils ne dépendent pas d'un objet. Donc on est déjà là sur une complexification de ce qu'on appelle le pluralisme scientifique. Donc, parmi les styles, on peut citer le style par démonstration mathématique, évidemment, ouais. Hein, qui est un style important, central dans la science. Hein. Il y a le style... Pour le caractériser d'un mot encore plus précis, c'est l'axiomatisation. Hein. Voilà. C'est l'établissement de postulats. Donc, on voit en acte avec les différentes géométries, par exemple, où il y a un système d'axiomes. Et ça, c'est un des grands développements, bien sûr, de la physique, de la mathématique du XXe siècle, de son axiomatisation. Tout à fait. Ensuite, pour vous aider, simplement, il y a l'exploration par la mesure expérimentale. Voilà, hein. Tout à fait. Par la mesure expérimentale. Hein. Bon, mais ça qui est... par exemple en biologie, hein, qui a été fondamentale au 19e siècle. Hein. Il y a la construction des modèles, bien entendu, hein, qu'on peut appeler le style par modélisation, oui. Qui est devenu très important à partir des années 60 et 70. Il y a le style de raisonnement statistique, hein, oui. Utilisant aussi les probabilités, style de raisonnement par dérivation historique et le style de raisonnement taxonomique. Bon. On pourrait passer... Et le style par labo. Le style par labo ou laboratoire, le style du laboratoire. Alors, aussi. Là encore, pour le signifier, mais c'est assez intéressant parce que voilà. Ils ont des caractéristiques, les labos aussi. Hein. Tout à fait, oui. Et ils orientent la méthodologie, ainsi de suite. Souvent le style de raisonnement par exploration expérimentale, oui. Mais ce qu'il faut dire sur les styles, c'est qu'ils sont mobilisés à propos d'un objet, non pas comme une discipline, mais comme un service. C'est-à-dire qu'on va mobiliser un style pour essayer de mieux comprendre un objet. Et non pas, c'est pas le style. Alors le style va aussi créer des objets, mais le style est surtout mobilisé en tant que outil méthodologique pour comprendre un objet. Vous êtes un biologiste au 19e siècle, c'est la naissance de la biologie marine. Vous allez à Roscoff, un des premiers laboratoires de biologie marine en France. Toujours actif, n'est-ce pas? Ou ailleurs, à Bagnews, etc. Ouais, et vous êtes émerveillé par la complexité du vivant que vous observez pour la première fois, parce que vous avez la possibilité de le faire grâce à ces laboratoires in vivo. Quel style de raisonnement allez-vous mobiliser? Voilà la question. C'est en tant que scientifique, quel est l'outil, la posture que je dois adopter face au réel? Donc ici, ce qui a été principalement mobilisé, c'est le style de raisonnement taxonomique, donc catégorie. Hein, c'est la je veux comprendre, il y a beaucoup de limaces de mer, comment sont-elles? Est-ce qu'elles forment des genres particuliers, comme il y a le genre cheval avec ses variétés, le genre porcin, ainsi de suite? Bon. J'observe des relations entre êtres vivants, sont-elles des relations de commensalisme, de parasitisme, de mutualisme? Et j'essaye de classer, je crée des catégories, c'est la naissance de ces catégories hein, d'ailleurs au 19e siècle hein, pour la plupart. Hein. Et voilà. Bon, mais ça, c'est un style, mais qui en lui-même ne peut pas réduire la compréhension de ce que l'on observe. Il va falloir évidemment mobiliser d'autres styles. Si on observe des régularités, on va pouvoir faire des statistiques. Des moyens statistiques. Ensuite, et des prédictions avec les probabilités. Et des prédictions, on va pouvoir faire des lignées, la dérivation historique, avec les moyens de la génétique encore plus. Et donc, la compréhension de cet objet, j'allais dire, que l'on observe, va être enrichi par la mobilisation d'une pluralité de styles de raisonnement scientifique. Alors après cette analyse conceptuelle, nous allons donc avoir notre petite pause musicale et puis nous allons aussi aller au-devant d'exemples appliqués. Mais voilà, c'était notre moment d'épistémologie avec donc ce concept de pluralité. France Culture, Continent Science, Stéphane Deligeorge. Mais voilà, c'est avec cet oratorio de Handel que nous avons fait cette pause musicale et que nous avons dépassé largement le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Léo Coutelec, sur le pluralisme, ainsi qu'il l'entend, et qu'on essaye de le décrire avec lui, et toujours en compagnie, évidemment, de Martin Andler, dont les remarques seront toujours les bienvenues. Alors, avançons, peut-être là encore, par un découpage ou une précision conceptuelle. Vous avez parlé d'axiologie à un moment. Il y a bien sûr un découpage strict qui se fait en philosophie des sciences, entre, et qui se fait en philosophie en général, d'ailleurs, entre le fait et la valeur. Le fait est descriptif, le fait est quelque chose qui n'est évidemment pas prescriptif, hein. C'est le résultat, grosso modo, des sciences. Et puis après, eh bien, comme exemple parfait, il y a les prescriptions morales, donc, qui appartiennent au monde axiologique, cette fois. Qu'est-ce que ça devient dans votre pluralisme, Léo Coutelec, que ce distinguo? Parce que vous parlez d'axiologie. Cette dichotomie dans mon travail saute, explose même. Eh oui. Explose. En suivant Hilary Putnam, hein, et effectivement, qui a, je crois, acté la fin de la dichotomie, en philosophie des sciences, de la dichotomie fait-valeur. Non pas le fait qu'il n'a pas remis en cause le fait qu'il existe des faits d'un côté et des valeurs de l'autre, mais il remet en cause la dichotomie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait incommensurabilité entre les deux. Et il mobilise pour ça son idée de concept épais, pour montrer que il y a effectivement des concepts qui entrelacent faits et valeurs. Par exemple, bon, lorsque l'on dit, chose très simple, hein, excusez-moi cet exemple, mais ce professeur est méchant, c'est à la fois, ça peut être à la fois un énoncé descriptif, hein, mais c'est aussi et peut-être surtout un énoncé normatif, puisqu'il s'agit d'avoir une référence de ce qu'est la méchanceté pour pouvoir décrire ce que l'on voit, le professeur est méchant. Et il montre avec tout un tas d'exemples beaucoup plus complexes que c'est pas si simple. Il n'y a pas d'un côté les énoncés descriptifs de façon pure et les énoncés prescriptifs ou normatifs d'un autre côté de façon pure également. Donc voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui a été beaucoup mis en avant dans la philosophie des sciences de ces 30 dernières années, notamment pour montrer comment on pouvait dans les sciences, lorsque l'on construit une connaissance scientifique, expliciter, ouvrir la boîte noire des valeurs. Hein, John Dewey, hein, qui disait l'enjeu philosophique, c'est ouvrir la boîte noire des valeurs. Tout ce qui est dans l'implicite, ce que Hélène Longino a appelé ses hypothèses d'arrière-plan. Voilà. Ce qui structure notre pensée, ce qui justement dirige notre point de vue sur le réel, mais que l'on n'explicite jamais. Parce qu'on se pense sécurisé et tranquille dans le royaume des faits. Or, nous n'y sommes jamais, ou jamais tout seul en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut en faire alors de ce distinguo si on revient à cet exemple que vous prenez à plusieurs reprises? Vous en prenez un autre aussi qui est celui des OGM, oui. Où se pose donc, va se poser la question pour ceux qui mènent les recherches qui sont différentes, de disciplines différentes, selon un angle différent encore une fois, avec un style, ainsi de suite, comme on l'a dit, de la valeur, de la position. Complètement. Il y a des valeurs, j'allais dire, et des intentions partout lorsque l'on travaille sur un sujet comme les OGM, qui ne sont pas l'objet de la biologie moléculaire, hein, sinon je serais pris à mon propre piège, qui sont un objet beaucoup plus intégratif, hein, qui sont un objet à la fois de la sociologie, de l'économie, de la chimie, des génétiques, etc. Et chacun y amène effectivement ses valeurs. Juste là, il faut précise. Pour qu'on vous suive bien, vous appelez cette prise de position pluraliste, puisqu'effectivement, voilà. Les OGM vont engager la toxicité, vont engager l'envahissement, vont engager des industries qui sont un peu voyous, comme un certain Monsanto, pour soi-disant augmenter la capacité alimentaire. Mais il y a aussi des OGM qui sont positifs, ceux-là où on modifie des plantes pour produire des médicaments. Là, on ne va pas se plaindre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est conflictuel. L'OGM, si on veut en parler, la façon dont il a été traité, hein, depuis maintenant plus de 20 ans, hein, même 25 ans, aboutit à un piège intellectuel qui a été mis en avant par un grand sociologue, historien de l'argument statistique, Alain Desrosières. Hinda Rosière, qui est reconnue et connue pour avoir fait notamment l'histoire et la sociologie politique de l'argument statistique. Et il a très bien montré que le problème des OGM est principalement la surdétermination d'un style de raisonnement scientifique, on y revient, qui est le style de raisonnement probabiliste. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'OGM était l'objet d'un style. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et donc, on a pensé que l'OGM était un objet de risque. Risque toxicologique, risque environnemental. Mais toutes les autres dimensions de cet objet, pensons à deux d'entre elles. La question de la brevatibilité du vivant, oui, et la question de l'inégalité entre les agricultures. Oui. Ces deux dimensions ne sont pas réductibles dans un calcul de risque. Et donc, a fortiori, sont exclues. Donc, le problème des OGM n'est pas qu'on ait évalué ou mal évalué les risques. C'est qu'on ait centré l'analyse sur la question des risques. C'est précisément un manque, justement, d'ouverture, de pluralisme à propos de cet objet. Voilà. Donc, je crois que sur la question des OGM, c'est un exemple paradigmatique. Il faudrait considérer, avant de le refermer sur une discipline ou sur un style, que l'on ne sait rien dessus, que l'on ne peut pas le définir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire tout l'éventail des disciplines concernées? Et en disant, si vous voulez qu'on parle des OGM, on ne va pas simplement expliquer ce qu'est l'introduction d'un gène nouveau dans un patrimoine génétique, mais bien au contraire, il faudrait rajouter aussi le fait que des semences stériles, il faut en racheter à celui qui les vend. Voilà. Vous avez parlé des bouts de la probabilité, il faut parler des semenciers, ainsi de suite. Tout ça constitue, voire même le discours journalistique. Tout à fait. Toutes ces dimensions constituent l'objet et instituent son mode d'existence. Voilà, l'Académie des sciences a donné cette définition très réductrice. L'OGM est le résultat de la transgénèse. Hein. Je caricature, oui, mais en gros, en deux phrases, c'était plié. Et donc, après, toutes les autres dimensions ne sont que finalement des commentaires sociopolitiques, hein, sur cet objet de la biologie moléculaire. Et c'est une erreur fondamentale. C'est aussi faire de la science que de réfléchir effectivement à la question de la brevatibilité. C'est aussi faire de la science que de réfléchir à son insertion dans un marché. C'est aussi faire de la science de réfléchir comment cet objet va soutenir ou pas tel type d'agriculture ou tel autre. Oui. La science ne s'arrête pas aux frontières du laboratoire de biologie moléculaire. Voilà. Et donc, mon propos principal, c'est celui de qu'est-ce que l'on appelle finalement une bonne science ? Voilà. Alors, qu'on appelle une bonne science ? Petite réponse que vous abordez, et puis d'ailleurs là, je vais vous solliciter, Bertrand, pour votre avis sur deux points de vue, mais il y a un mouvement qui s'appelle Slow Science. Alors c'est à l'instar de Slow Food ou Slow Cuisine, je ne sais plus comment. J'ai proposé d'ailleurs votre article à un chimiste qui a trouvé la chose intéressante, qui a regardé. Je l'ai proposé à d'autres, que certains l'ont trouvé excessif, ces positions-là. Il y en a certaines, en tout cas, je dois avouer, si j'ai le droit de mettre mon grain de sel, que je partage tout à fait. Je pense que, en particulier sur l'affaire de la convention Rich, là, il y a quelque chose qui ne va pas au royaume des sciences. Et des sciences, donc, qui ont une implication, je dirais, cette fois scientifique. Alors, qu'est-ce que cette chose ? Aller plus dans ce pan, ça veut dire quoi, en science ? Non. Alors, si j'utilise ce terme de slow science, et je l'assume, et je vais, je crois, vraiment en faire un axe de recherche, tout comme ça commence à émerger en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, pour une simple et bonne raison, c'est que ce terme interpelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre au sens littéral, ce n'est pas faire une science lente, ni faire une science ralentie, hein, tout comme il est absurde de penser que le mouvement slow food, ça serait un mouvement qui revendiquerait de manger lentement ou de manger de façon... De graderie. Voilà, non, pas du tout. C'est slow science, il faut l'interpréter comme un mot symptôme. Le symptôme d'une situation de dysfonctionnement. Dysfonctionnement qui est lié, pour moi, à... ce que j'appelle le productivisme scientifique, hein, oui, c'est-à-dire oui. À cette tendance actuelle très forte qui vise à extraire la production des connaissances scientifiques d'un contexte de pertinence. On produit pour produire, pour alimenter la machine à promesses. Ça va plus loin que publish or perish, ce que vous dites là. Non, ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le fil de la pertinence des savoirs que l'on produit. et j'allais dire l'apothéose peut-être, hein, j'espère pas finale, mais c'est le phénomène Big Data, qui est cette nouvelle promesse scientifique selon laquelle on va, par l'accumulation systématique, automatique, aveugle, indépendamment des théories, des hypothèses et des disciplines, d'immenses bases de données auxquelles on va extraire des corrélations qui vont nous produire des connaissances scientifiques. Voilà, on est vers cette tendance, c'est finalement une nouvelle version de la Big Science, hein, voilà. Et je crois que c'est les visages actuels du productivisme scientifique. Et donc, si vous voulez mettre le pied dans le plat, j'utilise le terme slow science, un peu comme quelque chose de provoquant. Mais pas pour dire qu'il faut ralentir, mais pour dire qu'il faut respecter le pluralisme scientifique, et notamment dans sa dimension temporelle, que moi j'appelle la chronodiversité. C'est-à-dire que l'homogénéisation, la standardisation des styles et des méthodes et des rythmes par l'accélération est aujourd'hui facteur de baisse de la qualité des productions. Voilà. En tout cas, Léo Coudelec, on peut observer qu'un certain nombre de scientifiques sont sur ces positions, déjà revendiquent ces positions, hein, de slow science. J'ai envie de vous poser la première question suivante, Martin Hodler. Ça prend son temps, Mathieu, normalement. Ça le requiert, le temps. Ça nécessite... Ça a besoin parfois de maturation. C'est quand on lit le livre de Poincaré et d'Adamard sur l'invention en mathématiques, on voit très bien que c'est très étonnant. D'un seul coup, il a une révélation en montant dans un bus, alors que, bon, bref, tout le monde connaît ces fables scientifiques étonnantes. Et là, les mathématiques sont un bon exemple. On peut pas presser un mathématicien. Non, on peut pas presser. Enfin, on ne presse pas un mathématicien. D'ailleurs, les mathématiciens publient beaucoup, beaucoup moins que dans d'autres disciplines. Donc ça, c'est tout à fait frappant. On est un petit peu moins affecté par ce virus pathogène grave là, de publier, de publier très vite, etc. Donc ça, on y échappe un petit peu et je pense que c'est intéressant. La difficulté, si je reprends l'autre question là, c'est du pluralisme, c'est qui se pose en surplomb par rapport à l'individuation des points de vue scientifiques. Et ça, en tant qu'étant mathématicien spécialisé, je me dis oui, mais je n'ai pas envie qu'un philosophe des sciences me dise « Ah oui, mais moi, je vois une vision globale que vous n'avez pas... » Alors, il n'y a pas de position de surplomb. Hein. Je ne fais pas effectivement une philosophie qui dicterait le bon choix du réel aux scientifiques. La question, elle n'est pas là. La question, elle est méthodologique, épistémologique, sur est-ce que les savoirs qui sont produits ont un effet, une pertinence. À partir du moment où ils n'en ont pas, j'essaye de trouver les symptômes de ce problème, et dans, parmi les symptômes de ce problème, je vois des dysfonctionnements épistémologiques, et pour essayer de résoudre ces dysfonctionnements, je fais un certain nombre de propositions conceptuelles, mais qui ne dictent pas rien du tout. Oui. Si on prend l'exemple d'Alzheimer, je ne sais pas si je peux me permettre de l'aborder. Bien sûr. Il est, à mon avis, paradigmatique de ça. Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire ou pas dans le domaine d'Alzheimer. Je constate simplement qu'après 35 ans de recherche dans ce domaine-là, il y a le constat d'une limite, on va dire, hein, par rapport à l'hypothèse dominante, aux hypothèses dominantes, qui étaient des hypothèses principalement neurologiques, pour essayer de comprendre cet objet, et notamment par l'échec de tous les essais thérapeutiques qui ont été faits sur la base de l'hypothèse scientifique dominante. Donc ce constat-là, tout le monde le fait, les scientifiques en premier. À partir de là, on a deux possibilités, et on est actuellement sur une ligne de crête. Soit on prend le chemin des big data, et on se dit, on abandonne toute recherche basée sur des hypothèses, basée sur des modèles, basée sur des théories et sur les disciplines, et on va simplement collecter de la donnée massivement, et on sortira bien des choses nouvelles qu'on n'aura jamais trouvées. Je pense que cette voie-là est une impasse, hein, c'est pour moi une nouvelle façon de promettre, hein, c'est une nouvelle économie de la promesse. L'autre voie que je propose, c'est plutôt celle du pluralisme. De dire que pour comprendre un objet comme Alzheimer, le problème n'est pas la théorie, le problème n'est pas la discipline, le problème n'est pas l'hypothèse, mais c'est leur suffisance. Et c'est de croire qu'on peut comprendre un phénomène aussi complexe par la perspective d'une seule discipline ou d'une seule hypothèse. Donc ce n'est pas une position de surplomb, c'est finalement une précaution méthodologique en disant faisant de cet objet un objet générique qui ne dépend d'aucune des théories. Oui, suffisance est prise au fait qu'il y ait une discipline s'auto-proclamerait la seule pertinente en fait pour résoudre l'énigme et la seule maîtresse de toute heuristique, c'est ça. Alors, hein, c'est souvent un peu plus subtil. Oui. C'est souvent oui. un peu plus subtil. C'est pas forcément la seule, mais en tout cas, elle est au centre. Et oui. toutes les autres autour doivent s'organiser selon cette discipline-là. Avec Alzheimer, ça a été à partir des années 70 la neurologie qui a organisé toute la recherche biomédicale sur cet objet et qui a fait des progrès d'ailleurs assez incroyables hein, et qu'il faut d'ailleurs souligner. Mais seule et organisatrice de tous les savoirs, évidemment que ça a des limites. Évidemment que ça a des limites. Alors je me tourne vers vous à nouveau, Martin Andler, pour vous poser cette question. Évidemment, il y a des mathématiciens dont certains autres mathématiciens disent qu'ils trahissent d'une certaine manière. Je pense à ceux qui sont des petits génies de l'algorithme et qui vont travailler pour beaucoup de thunes du côté de certaines vallées ou de certaines compagnies financières. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a... On a remarqué que très souvent le corps des mathématiciens, voire celui des physiciens théoriciens, a toujours été très attentif aussi, par ailleurs, aux droits de l'homme, à la défense des mathématiciens en particulier, menacés, aux physiciens menacés dans certaines dictatures, ainsi de suite. Comment se pose le problème moral? Est-ce que ça a un sens, l'éthique? Nous sommes sortis de l'âge de l'innocence. On a cru pendant longtemps que voilà au moins une partie des mathématiques était totalement à l'abri de ce genre d'enjeu. L'exemple un peu paradigmatique, c'est celui de Hardy, le mathématicien théoricien des nombres anglais, qui oui. Était pacifiste, végétarien, qui faisait de la théorie des nombres et il était en conflit ouvert avec un certain nombre de ses collègues qui étaient chimistes, et c'était au moment de la Première Guerre mondiale qui faisait donc des gaz, etc. C'est ça. Moi, je suis sûr que ça servira jamais à rien, disait-il. Et manque de peau. Si je peux me permettre, manque de peau, c'est le cœur de la crypto, de la cryptanalyse aujourd'hui, bien sûr. Domaine. Et donc, on est vraiment sorti de l'âge de l'innocence. Et moi, ouais. je revendique d'être un être bon et moral, mais je récuse cette prétention collective que nous ne sommes pas, nous sommes en quelque sorte à l'écart de la société. Alors cela dit, ensuite, il y a quand même des degrés de compromission. Oui. Sur la big data, évidemment, en tant que mathématicien et un peu l'avocat de l'importance des mathématiques et de dire oui, il faut qu'on ait beaucoup d'argent pour les mathématiques, etc. Je suis très content qu'il y ait la crypto et qu'il y ait le big data parce que c'est des arguments fantastiques pour dire c'est essentiel qu'on ait une compétences mathématiques qu'on la finance. En même temps, évidemment, on pense à la NSA, on pense aux crises financières, même si c'est des questions compliquées, il faut pas faire de clichés, mais enfin, la responsabilité du scientifique est vraiment en jeu. Alors, responsabilité du scientifique, il nous reste extrêmement peu de temps, puisqu'il faut en garder pour annoncer donc notre partenariat, Léo Coutelette. Est-ce que on peut prendre l'exemple de ce que vous appelez dans votre livre le syndrome, rapidement malheureusement, d'Aquila, puisque d'un seul coup va apparaître vraiment quelque chose d'inédit, c'est-à-dire une responsabilité épistémique. On prend des scientifiques, il y a eu un tremblement de terre, on leur dit vous avez mal prévu, 3 ans de tôle. Même plus que ça. Oui, plus que ça, et puis 7 500 euros voilà. d'amende. Donc effectivement, moi j'ai étudié cet épisode du procès de l'Aquila, donc le tremblement de terre meurtrier dans cette petite ville italienne qui a eu lieu en 2009, et où les scientifiques de la commission effectivement chargés de l'évaluation du risque sismique ont été condamnés hein, pour homicide par imprudence. Donc il y a une forme de responsabilité qui a été engagée, ici une responsabilité juridique pour faute. Et ce que moi j'essaye de dire, c'est que si responsabilité il y a, elle n'est pas juridique et elle n'est pas individuelle, mais elle est épistémique et elle est collective. C'est-à-dire que c'est la façon dont la science s'organise qui fait que l'on va vers des savoirs pertinents ou pas. Ce n'est pas l'objet d'un scientifique, même si une responsabilité individuelle peut évidemment, voilà, évidemment avoir lieu. C'est pour ça que je parle de responsabilité épistémique comme responsabilité sociale, c'est-à-dire capacité d'une communauté à faire 3 choses. Cette capacité à répondre d'eux, rendre des comptes, hein, ça veut dire rendre des comptes. Hein. Ça va être votre mot de conclusion. Ça, c'est important. Oui. Hein. La capacité de répondre à, c'est-à-dire répondre aux personnes avec qui nous sommes en lien et en relation, et de faire ces réponses avec pondération. Voilà. Il me semble que ces trois formes de la responsabilité sont aujourd'hui la valeur constitutive de ce que moi j'appelle les sciences impliquées. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu à ce micro. Martin Andler, de la petite vérole au XVIIe siècle, au cancer d'aujourd'hui, avec donc un texte, un mathématicien, Dominique Barbolosi. Donc Dominique Barbolosi est un mathématicien qui, à un moment donné, a abandonné le champ des mathématiques pures parce qu'il voulait faire des choses plus utiles. Il s'est intéressé à quelles mathématiques pourraient être pertinentes pour guérir le cancer. Et donc c'est là-dessus qu'il va faire sa conférence. Mais il va prendre un recul historique en montrant le premier exemple extrêmement frappant d'intervention des mathématiques en médecine, qui a été l'argument donné par Daniel Bernoulli en 1760 en faveur de la vaccination, avec une modélisation mathématique, et c'était un peu la première utilisation des big data, parce qu'il Bernoulli s'est reposé sur une étude qui avait été faite par Allais sur la ville de Breslau, où on avait étudié il avait établi des tables complètes de mortalité, et sur la base de l'analyse de ce big data, c'était 30 000 bon, petites big data, il a pu faire une modélisation qui a été le point de départ de l'argumentation contemporaine sur la pertinence de la vaccination. Rendez-vous dans deux jours, puisque c'est notre règle. Le mercredi, il y a beaucoup de monde, c'est à la Bibliothèque Nationale. 18h30 à la Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand. Merci beaucoup, eh bien c'est la fin de Continent Science. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours les bienvenues. À la console technique aujourd'hui, Élise Le. Pour la documentation, Thierry Beauchamp, la réalisation d'Annie Journeau, Stéphane Deligeorges, vous savez, Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr.